France Inter. Le dernier rendez-vous du 5-7, c'est Blockbuster. Frédéric Sigrist, vous êtes réglé comme un coucou suisse, hein, pour nous parler d'une série Star Wars. Eh oui, que voulez-vous Laetitia, dans l'actualité, on appelle ça un marronnier. Il y a la rentrée des classes, les départs en vacances, l'arrivée de la neige, Emmanuel Macron qui se trouve génial, et les séries Star Wars, c'est comme ça. Pour paraphraser Le Roi Lion, c'est l'histoire de la vie. Donc, dans le dernier épisode des séries Star Wars, je vous avais parlé d'Andor, une très très bonne série que certains auditeurs n'ont évidemment toujours pas regardée, parce que, je cite, « Ah, j'ai lâché au bout d'un épisode et demi parce que ça n'avançait pas. Andor, c'est surcoté de fou !» Voilà, hein, ça se tape des saisons entières de mercredi sur Netflix, parce qu'il y a des vidéos rigolotes sur TikTok où Jenny Ortega danse comme si elle avait le ténia, mais une série politique de science-fiction sur la montée du fascisme, il n'y a plus personne. Mais Lucasfilm et Disney+, Frédéric, sont revenus avec leur série phare, la troisième saison du Mandalorien. Oui, et ça a été un retour plutôt discret. Faut dire que cette troisième saison du Mandalorien a eu la mauvaise idée de commencer sa diffusion alors que tous les yeux des amateurs de pop culture étaient tournés vers la série HBO Last of Us. Et le choix était vite fait entre regarder Pedro Pascal jouer un père de substitution d'une enfant spéciale dans Last of Us et regarder Pedro Pascal jouer un père de substitution d'un enfant spécial dans le Mandalorien. Il n'y a pas photo, hein. Oui, parce que Pedro Pascal adore jouer des pères de substitution. Il occupe la place laissée vacante dans la pop culture par Charles Ingalls. Son créneau, c'est le même public que les psychothérapeutes. Les patients avec des daddy issues. Dans le prochain film de Pedro Almodovar, il joue un cow-boy gay avec Ethan Hawke. Ça va plus être des séances de cinéma, ça va être des thérapies de groupe. Ça c'est sûr, selon certains avis d'ailleurs trouvés sur le net, de grands fans de Star Wars, cette troisième saison serait décevante. Ah, c'est compliqué à dire parce que les fans de Star Wars, la dernière fois qu'ils étaient unanimement satisfaits, eh ben c'est simple, c'est jamais arrivé. Mais bon, pour être tout à fait honnête, le Mandalorien depuis la saison 1, en termes d'écriture, c'est pas succession, hein. En général, le Mandalorien arrive sur une planète pour chercher un truc, un droïde, un moteur de vaisseau, une clé de 12 ou une sorbetière. Le Mandalorien, c'est un peu moi au bricorama quand je veux faire du bricolage. Habituellement, il rencontre quelqu'un qui a le truc, sauf qu'il lui donnera que s'il va chercher un autre truc ou s'il tue un gros monstre qui fait ses besoins dans le champ d'à côté. Ça, c'est 70% des épisodes. Les 20% restants, c'est le folklore et la religion de Mandalore, un peuple où tout le monde porte des casques quasi H24 en disant « This is the way ». Mandalore, c'est les Daft Punk ou la Bravem, 100 jours de congé, qui se mettra à imiter un GPS. Et les derniers 10%, bah c'est Grogu, alias Baby Yoda, oh qui est tout mignon et qui essaie de manger des trucs. Et pourtant, vous n'avez raté aucun épisode. Mais bien sûr que non. Et j'irais même jusqu'à dire que malgré les facilités scénaristiques, malgré des moyens qui restent ceux d'une série de luxe, mais d'une série tout de même, parce que Mandalore, c'est censé être tout un peuple de guerriers, bon bah là, à l'écran, ils sont 15 selon la préfecture et 2 millions selon Disney+, et bah ça reste le Star Wars que j'aime. Jon Favreau et Dave Filoni, les showrunners, qu'on apprécie ou non leur travail, continuent de creuser leur mythologie établie dans Clone Wars, Star Wars Rebels, et même dans l'univers étendu en roman de Star Wars avec une certaine cohérence. Le tout en tissant toujours plus de liens avec la dernière trilogie. Et franchement, entre ça, les très bons romans de la Haute République qui se passent 200 ans avant l'épisode 1, les futurs projets de films et de séries annoncés, le jeu vidéo Star Wars Jedi Survivor qui vient de sortir, j'aurais tendance à personnellement trouver que Star Wars ne va pas si mal qu'on peut le lire, bien au contraire. Comme dirait Maître Yoda, avant de l'avoir tué, la peau du Bonta ne pas vendre, il ne faut. Frédéric Sigrist, merci. Je signale que vous jouez votre spectacle Super Héros à Strasbourg ce soir et demain et que c'est à l'espace K que ça se passe.